nur de silo hin en bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin en bezonnek. Bonjour, c'est Anne-Henri sur RKB pour Hentar Brezonek. Donc, comme d'habitude, on commence par Gario Arvué. Aujourd'hui, c'est l'émission 357, 316 à Unterkamp. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, alors, c'est plutôt une petite promenade que je propose. C'est pas tellement un mot, simplement. J'avais envie de parler des légumes. Ah, bonne idée, c'est la bonne saison. Oui, c'est une bonne saison. Hein. On va commencer à faire des soupes bientôt. Voilà, ouais. Donc, voilà. Alors le mot, déjà le mot légume en français, ça vient du latin légumen et ça désigne au départ des fruits à gousse, c'est-à-dire en fait des légumes, ce qui est devenu après des légumineuses, hein, c'est-à-dire par exemple les fèves, les pois et les haricots. Enfin les haricots sont un légume d'importation hein, qui est venu d'Amérique, mais c'était surtout la fève, hein, faba en latin, donc et puis les pois, pisum en latin. Alors on a déjà parlé du mot pis hein, en breton, hein, donc la fève un peu moins. C'est vrai que c'est un légume qu'on ne voit plus très souvent, pourtant assez savoureux. Mm-hmm. On le dit comment en breton, la fève? Fau. Hein. Mais ça désigne aussi la faine des hêtres, le fruit de la hêtre. Ouais. Voilà. Et donc, d'ailleurs, on dit la famille des fabacées aujourd'hui. On dit la famille des fabacées pour dire les légumineuses, parce qu'on a harmonisé un peu le nom des familles à partir d'un nom de genre. Et donc, les légumineuses actuellement, on les appelle les fabacées. Enfin, on peut toujours dire les légumineuses, hein, c'est pas une erreur. Et donc, y a beaucoup de légumes justement qui sont de cette famille. Et plus exactement, d'ailleurs, d'une des tribus de cette famille, qui sont les papillonacées. Les papillonacées, donc, qui ont des fleurs qui ressemblent à des papillons. Mmh. En breton, c'est balafen, hein, papillon. On a eu l'occasion de parler de ce mot-là. Et donc, qui sont des fleurs extrêmement typiques, hein, puisque les pièces, hein, carène, étendard et les ailes, hein, sont tout à fait typiques de cette famille-là. Alors, il y a le genêt, par exemple, et l'ajonc, hein, comme plante sauvage. Et puis alors tout ce qui est pois, fèves, haricots, hein, voilà, qui sont de cette famille-là. Alors finalement, le mot légume, alors a été également utilisé en breton, hein, légumache, hein, c'est très courant d'utilisation. Et c'était utilisé aussi légumache pour les légumes qu'on donne aux animaux, pour les légumes fourrages. Hein. Par exemple, les betteraves, les rutabaga, tout ça, quoi. Rutik. Alors, rutabaga, bon, il y avait plusieurs façons de le dire. Hein. Dans certains endroits, on dit rutik. Mm-hmm. Ailleurs, on dit tabaga, on a pris la fin du mot. Hein. Voilà. Et puis, la betterave, alors, il y a d'autres noms. Hein. En gallo, on dit une lisette, des lisettes. Et c'est passé dans certains endroits. D'accord. Où on dit lisette, non, en breton aussi. Je l'ai entendu il y a pas très longtemps dans une émission de Jean-Pierre Guader, quelqu'un qui disait lisette pour les betteraves. Voilà. Alors donc les légumes, et ben donc ça va être des plantes qui sont utilisées pour leurs graines. Mais alors c'est des graines qui sont utilisées entières et non pas broyées. Si on utilise les graines broyées, ce sont des céréales. Mmh. D'ailleurs, à propos des céréales, j'ai encore lu l'autre jour quelqu'un qui disait que le blé noir n'est pas une céréale parce qu'il confondait les céréales et graminées. J'en ai déjà parlé. Le blé noir est tout à fait une céréale puisqu'on utilise sa farine, mais c'est pas une graminée, c'est une polygonacée. Mais il y a une confusion entre le mot graminée et le mot céréale. Mmh. Ça, c'est une petite parenthèse. Voilà. Remise au point. Voilà. Donc, des plantes qui sont utilisées pour leurs graines, par exemple, les pois, les haricots, hein, qui sont soit utilisés en sec, alors ça, là c'est vraiment les graines, soit le fruit tout entier, les haricots verts par exemple, ou les beurres, les manchetous, enfin tout ça c'est... Et comment on dit haricots alors? Ah ben on dit haricots puisque c'est un mot qui est d'origine indienne d'Amérique, hein, d'accord. Donc qui est venu, puisque c'est une importation, quoi. Donc en breton comme en français, on a repris le mot d'accord. initial, ouais. Donc on dit haricots. Voilà. On n'a pas cherché à trouver un autre mot. Voilà. Donc, utilisés pour leurs graines, pour leurs feuilles. Hein, bon, par exemple, tout ce qui se fait en salade. Hein. Le mot salade, ça vient du mot sel. Hein. C'est-à-dire, c'était des plantes dont on mangeait les feuilles accompagnées de sel au départ. Après, on a varié un petit peu avec des sauces plus élaborées. Mais au départ, c'est salata, d'ailleurs, en italien. Hein. Donc, utilisé pour les feuilles. Alors, il y a d'une part les salades et puis d'autre part des plantes comme les bêtes, hein, justement, on parlait des betteraves tout à l'heure, donc des bêtes qui sont des betteraves dont on utilise les feuilles. Les cardons aussi, ça c'est un peu moins répandu, c'est un peu comme la bête aussi. Hein, là, ce sont des chardons en fait, hein, qui ont des feuilles dont les cosses sont comestibles, hein, les côtes. Et puis les épinards aussi, hein, qui sont utilisés, comme on le sait, hein, pour donner la force de Popeye. Voilà. Et d'autres gens. Et alors on utilise donc dans les légumes, il y a aussi les plantes dont on utilise les fruits, hein, les tomates, les aubergines, par exemple, les potirons, les citrouilles, hein, tout ça. D'autres plantes, on utilise les bulbes, hein, l'ail, l'oignon. L'échalote, hein, chalotte en breton. Alors l'oignon c'est onion, hein, et l'ail c'est quignon. C'est deux mots qui se ressemblent pas mal. Voilà. Ou alors dont on utilise les tubercules, par exemple les pommes de terre. Il y a aussi une plante voisine qui est la patate douce, enfin qui est voisine par sa forme, hein, qui n'est pas du tout, botaniquement c'est pas du tout la même chose, hein, puisque c'est une convolvulacée, la patate douce, alors que la pomme de terre, c'est une solanacée. Donc, en fait, mais ça a une convergence de formes, en fait. Hein. Et tellement convergente qu'on utilise le mot patate pour désigner Pomme de la pomme terre. de terre. Hein. Alors, sous des formes variées en breton, on va en parler, pato, patates. Et puis, il y a des légumes qui sont des racines, par exemple, les betteraves, les carottes. Le salsifis, par exemple, j'étais en train de chercher le nom, le salsifis et la scorzenaire, qui sont deux plantes voisines. En fait, ce qu'on appelle salsifis, c'est souvent la scorzenaire, qui est une plante à racine, qui a une épiderme noire, là. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors le mot légume en français, c'est un mot assez intéressant parce que il peut être utilisé enfin, au masculin ou au féminin. Par exemple, on va dire, ça se dit peut-être moins aujourd'hui, une grosse légume. Une grosse légume, c'est un notable, en fait. Oh, d'accord. quelqu'un qui est renommé, ou on dit ça les penn-ou-bras en breton. D'accord. Donc, une grosse légume, c'est pas un gros légume. Non, Hein, non. je pense que ça s'utilise beaucoup moins maintenant, mais. Alors les légumes sont consommés seuls ou isolés, hein, ou bien en mélange, hein, par exemple, justement, hein, on parlait, ça se fait encore, la macédoine, hein, la macédoine qui était un plat extrêmement renommé quand j'étais gamin, à tous les mariages, il y avait Ah bah comme oui. entrée le jambon macédoine. Voilà. Alors la prochaine fois, là on va rester sur la Macédoine et la prochaine fois on traite, et peut-être même sur deux émissions parce que les légumes il y a beaucoup de choses à dire. On rentrera un peu plus dans le détail sur les noms des légumes, Très les bien. noms des légumes en breton et puis voilà. Donc on va rester ce soir sur la Macédoine. Bon appétit. Voilà. Bon À la appétit à tout le prochaine, monde. À la ouais. prochaine. Et on passe maintenant à la seconde partie de ce Hent ar Brezhoneg. On retrouve un petit dialogue entre Chanik et Marcel. Ça a été enregistré à la foire de Bulat, c'est ça, Henri? Oui, c'est après la foire de Bulat. Marcel Billon de Kerblay, qui est notre spécialiste des chevaux, à Zandtolk. Donc on les écoute. Salut de Marcel, mal en jeu. Oh ya, Chanik, ne ce que te glem. Clévet de meuse, remède Neveso, bafoire Bulat. Ah ya, Chanik, guiré, monde rende bépla. Qu'est-ce que c'est pour un nebel d'un Honcourt? Ah, ne moi que, mais Norvégiel m'a très anarine. Bravo, Antrao. Oh, ya, zur, milardar, vois-tu des noms, à Tiezek, au Yéredois, à Chombedon, babulat, grande me merne. À grand au coin? Ah, non, ben, ah, noa pointe, don de dière. Mais puis, j'adore me zbite, après, si vous voir dièrienne. À mon hérite? Ah, ya, il veut juste, Chanik, il veut juste. Eh ben voilà, on va reprendre phrase à phrase ce dialogue pour ceux qui ont eu un petit peu de mal à suivre. Donc entre Chanik qui travaille à la radio, on l'a compris, et Marcel qui lui... Chanik est plat à radio, il y a. Plat à radio, oui. Et Marcel qui lui donc est le référent chevaux. À Zandtolk. À Zandtolk. Voilà. Salut de Marcel, mal de jeu. Oh, il y a Chanik. Donc salut de Marcel, mal de jeu. Ça va, comment ça va hein? Oh, il y a Chanik, ne ce que te glem. Ne ce que te glem, il n'y a pas à se plaindre. Hein. Clem, c'est plaindre ou se plaindre. Hein. Ne ce que de glem, il n'y a pas à se plaindre. Clem et de meuse, orbet, ne vaisseau, bafoir, vulat. Ya, clem et de meuse, donc j'ai entendu, ou j'ai entendu dire, hein, orbet que vous étiez allé, ne vaisseau il n'y a pas longtemps, bafoir, vulat à la foire de Bulat. Ah, il y a Chanik, guiré, mon rende bépla. Ya, Chanik, ah oui, Chanik, guiré, c'est vrai. Monde rende bépla, je vais chaque année, j'y vais chaque année. Casse de poids au Nebel de Honcourt. Ya, casse de poids au Nebel de Honcourt. Vous aviez envoyé, hein, parce que casse, c'est hein, ce fameux verbe qui valise un peu, hein, un mot valise, comme on dit, qui veut dire envoyer, expédier, apporter, amener, tout ça. Emmener. Donc si c'est un poulain, on dirait amener. Ah, voilà. Casse, oui. Mais un breton peut dire, vous avez envoyé un poulain. Ouais, envoyé, oui. Casse cette puce, hein, vous avez emmené un poulain, un neubel, hein, un mot qu'on a vu la semaine dernière, un neubel de Honcourt, hein, au concours. Parce que de temps en temps, il emmène un poulain au concours. Ne moi bête. Ne moi quête. Ne moi quête. Ne moi quête, je n'avais pas fait. Benar Végel m'a martésé à rime. Oui. Benar Végel, la prochaine fois, hein, peut-être je ferai. Ça c'est quelque chose qu'on dit souvent, hein. Benevigel, hein. Moi, ça permet d'éluder pas mal de choses. Brawan Trau, demande Chanik. Brawan Trau, hein. Les choses étaient belles, hein. Ça s'est bien passé, quoi. Oh, Yazur, oh, mais l'ardor, vois-tu, Denou? Ah, Milardar, vois-tu, et non, hein. Je vous le dis, hein. Milardar, hein. Ça c'est, un bretonisme fréquent. Milardar, je vous dis. Vois-tu, des noms. Il y avait du monde là-bas. À Tchézek et des chevaux. Rierredois, c'était une santé. Hein. Rierredois, c'était vraiment agréable. Hein. Rierredois, surtout qu'il faisait très beau, quoi. À Chomedon de Babulat, Gand me merne. Ah ouais, en plus. Hein, à Chomedon de Babulat, Gand me merne. Alors, évidemment, si on traduisait littéralement, hein, je suis resté à Bulat avec mon déjeuner. C'est une façon de dire, hein, Chom, Gand me merne, hein, rester déjeuner. Hein. Et quand on invite quelqu'un, ben, chôme gant au courant, hein, reste avec ton dîner. Hein. Voilà. Chôme gant. Hein. À gant au courant? Oui, alors elle est facétieuse. À gant au courant et avec votre dîner aussi. Hein. Et vous êtes resté dîner aussi? Ah non, ben neé ou à point d'on d'un guerre. Ah ben non, ben ahen. Hein. Alors oui, c'est neusé, hein. Nous on dit nahen ici. Hein. Ben ahen ou à point d'on te dire. Hein. Il était temps de rentrer à la maison. Point noir, hein, point D, il est temps. Hein. Mais plus j'adore Musbit. Mais plus j'adore Musbit, hein, j'ai eu du plaisir. Ça m'a plu, c'était agréable, c'était bien. Après, stick vos foires guériennes. Ah bah oui, bientôt, ce sera la foire de Kérien. À Monderite, demande Chanik. Oui, à Monderite. Et vel juste Chanik qu'il répond. Bien sûr, Chanik, bien sûr. Oui. Bah oui, il va y aller forcément. Et s'il y avait encore à Plaisidy, il irait à Plaisidy. troisième partie d'émission, c'est Thierry Petrazone vers vous. Petrazone vers vous, calze draw et vel juste boire vige d'ouzan. Krogon me dit un vel custume grand de la bourdoua. Et ruon vraiment, ben, fine non, ben, mis gwen golo, pelar in mod, hag waler pardon bulan, herve et gos, bopet, de spet tout le tagouet, de la radé, vos glo, hag orvel. En man, ben, vro, n'est que bir eva le nom, j'en vide un trévadou. Sterloir et ben me mestra zéri vwen, mais yor de zo bed pas de nan de beurig an de lonet, hag ne de zo bed zer un manoir. Met, neus ke be, ne ke be kont de dis, pe ve lard d'entro vel mon, pe vler war ur be, da skwer ban Amerik zo be d'or zer ur spontus, hag priz ne, da enan zo et kaz war og war marat Chicago. Setus yor war, vo ul priz ne war marat ur be, ur blaman, hag evel just vo ive ul priz ur bouet lonet, da skwer priz ur bouet mor evel just. Nevezo, oa bezavet ur gevredigez neve, hag zo hanvet, labourerien du ar breiz, galage agriculteur de Bretagne. A pal ur gevredigez, e diven micher labourerien du ar, hag iskeudan, pez velaret, galage vraiment l'image. Gerstur ur gevredigez e, galag, agriculteur de Bretagne, bien plus que vous nourrir. Hag du roi peut se bégoel déjà, ur bruder eus vise ba ze gazete nou. Klaskera ur gevrilig eze, diskwez, pe sa mod ve ged labour dou ar hudun de, pe se labour ve gret gant e labourer un dou ar war dro en trevradou hag lonet, a pe sa mod ve de douchet de bremañ, de zen en dro, de la rade benefin, zevel ur skeud neve de ze vichan. Hag evel just evel er mat, zo begret ur logo vize, zo bekrouet ur logo, gant un erminik, hein, vedur un erminik e, ar oez breiz. Kaz eureuz zo bet bavro gant afer un mahadour hir, dou. Hag nanket de gomz kalz de se hudu, met waler vo hat gomz de se, pe vo skler er an trau. Ka bet a bremañ ne ket gwal skler an trau. Adam bremañ war dachen un endro ma peusoan. Komze me star ba misevel ma komze tar de zem vod rio oa bet zave de ugen lao a l'air nini diantan ba rio evel just hag neus ket deux kaz dra mez de zen afer ze jiwaz hag ma trezen vo tro de gong de se oaz ar vech peneket vicho montan moa dachen en endro ne veso nel peo gevridig ez ra oa dro en leunet vid gwarez in leunet ma peswan en eus lidet idea bla kant vlaso oa bekrouet ur bla mil no handaouzek hag evit in ori e labour zo begret gant en LPO ur post neus im bandet pevar dim gant skedenou eunet warne hag war onan deuse ve gwell o dor boran Vous devrez peut-être avoir borne, et so, pis velard or perroquet de mort, au perroquet de mort. Macareux moine. Ya, macareux moine, juste, bah, ya. Hag, zo un tombe velo perroquet, hag, ya. Hag, war enez rousik, zo war dro do hand goublad borne, dis, quoi. Hag, evel juste, arin so, eugne d'or un tout le bandou, arin, bon, eugne de, azo, on arwe zo un tombe de ze NLPO bénéfine. Zur war pe on chom war un endro ar eus betro de glev et Patrick Pustor o komz de war vagen ou ar kabe hag hemañ zo labourad ba un dro de l'anei ar Lambern ar Gronvel an evezo zo begret o vignogen i vi bale kreiz de l'anerien vi tout un dut mam eus un dut empêchet ma trezen peus bekwel ze ba Gronvel hag e brod velet hag Bon vision amser, bon tandar, ivez deus nen kreiz breiz, nen broadel kant pevar a trugen, galag RN164, a trovet, dur, vision amser ve gael on tam zaitus ek desei, hag benefin ma trezen vo gred, vo echuet. Hag ar zo gred on tam zaitus gael, roaz o nantar le, pe daou gilomen ma peusron en dro de zan mea, ba... Taz de c'hant din hag bon tamm a tamm hant tro war og ma meus tramm. Hag dam bremañ an tamm war dach en eus evenadur. Ne vezo oa et en an an Edouard Rebillé. Oa medsin, zo bet pa pell medsin ba kalak, pa d'hoer la atreg an pelar in mat. Hag un vigel, moi, comme je disais, ben à Baden, mais de l'oncle Wabider, Penad Gonner, Niorziata, à cette urétine radlaret. Il y a Edmond Rébillé, Wabigan, Baplo Hermel, Eubla Milno Hanwer, Warnugen, Milno Hanwer, Warnugen, Pellarimbad, Hag, c'est tu, Wawerla, Pevarugen. Hag, Gande, Wabaplo Hermel, plus dur, Yvan, Waworskol, Baplo Hermel, Hagidad, Wapodentai, ou Baboulvriag. Hag bon tramen eus yo wankiz ba boulvriag a ba gwenma hag oa ler an eus gred i stud i meudesin hag pen oa gred i stud i meudesin oa ed an onstai an de ba kalak ba bla onan a hanter kan hag moa chome de meudesin a kal je dut eus evron eus bir an a venan hag en mon rebillé eus gred kal ze dro evit ar vro hag vid un touriste les bafro plus dur crédit ré ou un homme de zone vid vro hom la ré nar guatneuse au homme de zone cas je dis au rond cuite mais en vro dispar et puis sogui en bénéfice un de ce que mes elle a d'un drôle dim en bon dispar hag crou niwa strolad vid un touriste les ba blanc mille no rentrug a croque de scrive au leverio ou revro on tombe lever niwa gred war kala gag trou adro hag oa l'air neus beskrivet o bern trau da skouer neus skrivet de montadon oa roud ou skrivan er yen od ou an arvor ze oa itinerer literer an argoat hag azi neus komz de skal ze skrivan er yen a hendel neus beskrivet pezio hoari hag hendel romanch ou vel un diol zo mar ba burtul zo ranavet tre plus dur blige et burtu le temps à goule ni ou à bout de inter et baburtu le de peso bigret hein ivrix au baburtu le de ivé l'arroi de secret autour de Guingamp l'arroi de secret autour de Guingamp de ce bescrive de à calze drouel hein à gret de grain de calze brésilien ou à casse du te vol et au berntrog ne secret pas de ils ont dit à labourer au bern vide vide vaut à jongerai ma 13e vigée bêtue d'obreur mirdi bénéfine noir tout de binvidig zo banargot bon j'ai les que bigrène mais ma 13e novée je connais que vous grette puis dur pv hard de en grand vigée au tiwan ou à l'air belle ou à l'air bon puis dur on compte de studer de non non voiriz lozar fine à séphirine zéphirine zo en et vaisseau de non non comme je vois de zé déjà mais quand le début de l'Universiateur de Halar a dit mais je qui dit l'Universiateur dit mais vijo velon que trop grand temps voir que Perec trop ma displige à l'Universiateur ma 13 en voir que ag un dit wars de zo bête quoi la dalise quand on va fait tout non j'ai trop de boulot on a de garesse ag bon vraiment une yette de nanan de zoraz au plijat de grand te bananan de et non avec quand ma hat voir en que ag on aurait de ce vrai voix Jean le meute de ce brogwin et dans on a vraiment zo en vaisseau de nanan voix bon chum mon temps vraiment voir dash ne zevenadur cal de stage ou au begrad en blam roi et vite dis qui brison de dut da square stage KEAV hein quand betre gelti que raison de guerre his eco son hiniso agawa ba castelin ba basco le lorbodoir hein stage wells au begrad grand roudour grand stumdi grand scole nemza stage arval se wa ba biwiendour blam bleuzi les eaux galak hein à Waller and Dristro School vraiment Rad Krog Guerilli Gesdorber Kentil ou Brezon Velvegred en me grand Batalen Dour au Vége Zune à ma 13 un nouveau mur du Blanc hein la de rendez monde hein plus je sais bon Hendel war Wardash le Brezon de Gezo Tielouma Tielouval Bepsort Cleve Meus Vogred Nenten Diouyes Bakalak fait sous bras même sera ailleurs d'igor de vaux les relevés de balouan ne guet très se fa leur intro plus dur cusu leur barouse ne se divise et bénéfine raylam de diwan des autres tristes temps bon trop hawaro trop hawardri gualemus ba bacarès ou acudé nos rois grand liver l'évrique famille hein plus dur vigé gret l'évrique famille galaga à raison donc ag benefin varnerien des lar de oasi mes lesen barmo wabig vote dor lesen pas de dispar warzi matrice noire. Gwelet vous pèse à vous. Voilà, une trop hawaro, d'un hawar drin, vous avez un tango, un temps ma besoin. Alors, pas de rogue, pas de drin, quoi. Bon, c'est un temps de spéçonner à Bavro, avec Benvegel, vous compte rose. Quelle heure? Ya, tu es Norvegel, ya.